Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir, mes chers amis. Oui, Marie-Sylvie Donja, merci beaucoup à ma sœur. Yo foto komisa yo sindiri ya mboka parce que partout on parle de notre pays, vous êtes là. Merci, merci pour votre présence. Et toi, la moindre tu vas côté pour ma question est à la tena sima. Ba Congolais bas la au canot. Prof Bandela dans la quitte na yesiko olobini Bandela. Donc je vais parler un peu d'une histoire privée, mais avec des implications politiques dans le cannabiso. Et puis ezali pe une leçon pour na ndeko nyonso o azali na diaspora. Ce que vous avez na bana. Donc, ce que vous avez dit que vous avez dans la diaspora, vous avez na bana, la diaspora, donc disons, les enfants, il y a moins, moins, il y a âge adulte. Hein? Alors, excusez-moi, et nakosenga na yo, otage, azala, parce que ce que je vais vous rencontrer aujourd'hui, c'est choquant. C'est choquant, mais ils allient une leçon pour nos bisous parents, ils allient pelisusu une leçon à bisous tozokowe la mboka, et ils allient pe une leçon à bana mususu, bana na bisous au bazali na diaspora. N'engana lobi que c'est une histoire privée qui me concerne, qui concerne ma famille. Mais avec une implication politique. J'ai décidé na lobayango parce que c'est une démarche pédagogique au même moment. Ezali une expérience où il faut servir na batumususu, bana mususu, ba para mususu et ba résistant nyonso oyo. Bazali ko luka moyen ya ko lité po na mboka na biso. C'est très important. Alors, yangwana nazolinga ke moi majorité bato soki ba koki pour que bo permettre ngai na expliquer la situation et vous allez comprendre et bo tirer ba leçon mutu na mutu na kanaye. Alors, avant na banda li solo yango avant na banda causerie yango comme d'habitude na zanga moi ben information mususu te boyebi que na si na loba que na koki ko aider na décida ki temporairement je ne peux pas aider ba congolais mais nazali kozwa toujours ba demande ya bandeko limbisa pardon bato mususu soki ba sali bongo eza bato nyonso te pardon nazokufa na kokufa moyen te. Alors j'avais dit que il y avait de ses frères et sœurs oyo avant nazwa décision wana nazalaki déjà na ba démarche ya ko aider bango c'est on avait déjà commencé ya ko aider bango. Et Batouana, dans le bail, que comme la banda qui déjà, je vais continuer à aider Bango jusqu'à ce que tu reçois un résultat, soit résultat positif ou bien résultat négatif. Mais les Congolais, ils ont décevoir toujours Bandekonangaï. Mais éviter Mbo Cannabiso, qu'est-ce qui se passe au juste? Dans le Bakomba, il y a un frère qui m'a contacté. En tout cas, vous êtes à la calme, cher Milouvor, vous fingatez. frère wana azali miluvorte. Frère wana contacta kingai azali na mboka moko na Amérique. Alobi na ngai azana Amérique. Akenda na Amérique banda soki 2012. Ye azwa mukanda na ye banda na Kinshasa. Il a demandé gouvernement ya mboka na bandima ye mbala moko afuti billet akeyi na mboka wana kokoma komi azwi mukanda mbala moko. Donc résident permanent na mboka wana. Mais na sima atikaki mwasi na bana. Na ebite basi baze bele na zoye bate. Alors, na tango akomi na mboka wana banda 2012. Asala ba demarche nyonso pour que famille na ye ba rejoindre ye sans succès. Il a contacté tout le monde, les avocats. Il a contacté tout le monde, ba député ya mboka wana, pour que ba ideye. Bien au contraire, ba tu o akendeye komona, mingi bazo kloueye, o liye ba ideye, mais bazo enfonce ke dossier ya famille na ye, ebimate. Alors, il va contacter, ma bibon, je vais essayer, parce que na yebi mwanda mboya ba ministre na mboka wana. Et na bandi ba démarche, na sengi ye pesa iloko boye, pesa iloko boye, a pesi biloko nyonso ifale. Na ke komona ministre wana, na mona kiye physiquement te na komeliye. Aidez-moi, une fois de plus, na zana ndeko moko azali na mboka na bino, soki mwaye zali, famille na ye, bakende. Ministre Ayebi Singa, bon, on va voir ce qu'elles ont rempli ma condition. Excusez-moi, na kokota na lisola lelo, mais en tout cas, je dois parler de ça. Ministre Ayebi, bon, en tout cas, na zala ki ministre ki s'occupe na makambo wana, mais na za susu, na za ministre, bien sûr, mais sikoyo, na ke na ministère mususu. Mais je veux parler avec mon collègue, oyo, azui place na ngai, na meka ko explique ye. A contacté pe collègue na ye, secrétariat a collègue na ye ba contacté ngai. Ba sengi na ngai, yebisa moto na yo, apre sa document boyezo zanga. Na sengi pe ndeko oyo, ndeko pe apesi. Ndeko oyo azalaki mikolo nyonso sima na ngai. Chaque jour il t'appelle. Chaque jour azo commenter ba post na yo. Chaque jour azali. Il te dérange même ko benga yo à tout moment même olali. Après ministère ba yo sangai bon ndeko wana akoti sa document yo la kisaki azali na mbongo. Oya ko yiko supporter famille. Au départ ndeko yo sangai ngaka azana mbongo, na makama mbongo kuteza problème te ezali. Abomba abanda 2012. Na bi c'est très bien. Pesa yango. Et loko akozwa copie ya mbongo ya bank et bimaka juste na seconde na téléphone na yo sali photocopier bini ndeko oyo azui un mois mbongo ezo yati na tuni qu'est-ce qui se passe ndeko atindiringa ba document na compte na ye pas même $3,000 nazuluka moyenne na defa nazuluka moyenne mais cher tu m'as dit que banda 2012 okenda obomba mbongo ezali kuna kuto problème ezati. J'ai compris. Et j'ai proposé nandeko oyongabi bon, ça va. Ce qui mbongo ezate, nako défi sa yo mbongo. O tchana compte pour que démarche ekende. Et kuna ministère bazo pressinga, mais cette histoire est salaka seconde. Ndenge ni nezo oumela boye moutouana, azo pesa ba dokumat o sengite. Na pesi mwa explication, mwa maladi, azalaki mwa maladi. Donc, j'ai menti. Par la suite, na yeko lobake bon, omoni ndeko wana, famille est en Congo, tellement chaque fois ce qui a sali mbongo, atinda ka mbongo na mboka. Ça va. Na ebisi ndeko wana, na ko defisa yo mbongo po okotisa. Mais, il faut nazala na garantie. Parce que ko defisa moto, par exemple, ba $30,000, eza ka même mukete, il faut opesa nga garantie que soki difficulté ezali na kozwa yango ndenge nini. Ndeko yeko propose nga ke azan lopango moko na Kinshasa mais eza pe cadastre te. Eza na ville te ezali soki na côté ya malweka soki côté nini na yebite. Donc une parcelle o ezali cadastre te azan na mokanda moko te. Je me suis dit bon. Toti kaka kana me ko forcer batwana. Na forcer batwana ndeko oyo mboka wana azali immigration ba notifié ye yaka na tike futa droit ya ba famille na yo baya futa tike pona ba famille na yo. Pouvez-vous croire que ndeko oyo il a contacté tout le monde sauf moi? Il a contacté tout le monde sauf moi. Nazali na ba email na ye ba message na ye. Mais prof, j'ai contacté tout le monde, ko banda ba député, ko banda ba avocat, mutu moko sa sanga te banda 2012. Yo kaka mutu ko sa sanga. Et voilà. Cette semaine là, ndeko a une notification à immigration, oui tondimi mukanda ya famille na yo baya, futa tike ya pesa mbongo ba taxi ya document boye pour que otinda ba famille na yo baya. Ses frères a contacté tout le monde sauf moi. Donc nalinga kolobango pour koyebisa bandeko na biso oyo baza toujours ko déranger, c'est vraiment décevant. Parce que ngai omoni bato bapesa ba notification ana eza bato na contactacte même bango ba kopesa instruction. Mais ceux qui batindi notification, dites-moi. Ngana ko benga batona quand même na remercier bango. Merci de kwazu notification et famille na ye bakoya en tout cas, merci beaucoup. Donc ndeko o ya tikinga bongo, nga pe soki na tuna ka bato wana te, balinga ko yebisa nga eloko te, ye pe famille na ye pe baye, bakeyi et atikali ko yebisa nga pe eloko te. Et bazali ebele bandeko ya boye. Bon, ezali sujet ya jour ya sujet ya lelote. Sujet ya lelote za eloko moko ya pasi. Je demande na bandeko o bozali kolanda ngai, vous allez supporter likambo na zoloba ezali pasi pona ko supporter, mais il faut koyeba ke tozali bato oyo tomesana na bitumba. Tomesana na bitumba ya kobunda. Je vais vous dire une chose. Na lobby na yebisa ba camarade na ngana yebisa bino mes amis parce que bokoyoka yango. Bande kebele o baza proche na ngai ba yebiki na za père de famille. Na za na bana 5. Na bana 5 na za na bango misato o ya liboso baza mwa mikolo. Ya suka bazali bana ya mike avant dernière azali na 8 ans et la dernière azali na 6 ans mais écart na ba les trois premiers ezali mulai parce que moi na biso ya liboso azali na 20 ans bien que bazoko la ce que moni on dit mate kazana 20 ans c'est comme si mutu azana 35 ans. Alors, bana ndenge tozali kobota bango, mutu nyonso avandi na diaspora ayebi. Bana soki bazali kobima kokende, papa akoyi kotia, bapara bakoyi kotia kamera na mutu ya mwana te. Ayeba mwana akutani na nani, mwana ale nini, mwana lobi nini. Impossible. Mais tout ça la katou pour que bana baza la quand même bien encadré. Mwana na biso bana na biso ya liboso mibale bazali populaire mingi o ya mibale azali très populaire koleka kutunga moko populaire na ndenge ya mabete bato balingaka ye mingi mboka nyoso balingaka ye. Ngai moko ndenge moko tolo ba famille mobimba mboka nyonso batrolo ba nyonso te mais en tout cas majorité ya batu balinga kabiso partout au okende okoyoka dossier mabete. Alors naye ko remarquer que ce que komi populaire soit yo moko soit bana na yo il faut que ça l'attention encadrer bango parce que zèle wana ya popularité et koyi comme ma bana na eloko ma b même bana kutute même biso moko et koyi comme mayo na ma b parce que zèle ya popularité ce que maîtriser yango te ezalaka ma b. À un certain moment, toye ko remarquer vers 2017. S'il vous plaît, bandeko bolandangai, ce qui bandeko msoupe bazali bo tagé bango. C'est très important. Na 2017, toye ko remarquer que moi na nabiso ya liboso, azako bima, ce qui a bimi, azo informete, parce que tozala ki na plateforme ya chat ya famille lokola ba WhatsApp me wana ezasiko ya ba coréen ya famille e bana nyoso ba yebi ke sokyo bimi o tche message ke non na bimi classe na ke sikatel na camarade boy to yebi ke mwana azali na camarade boy de même ngamoko na silisi classe mais j'ai une réunion na zona rencontre et sikaboye na zoke na restaurant sikaboye na mutu boy. Tout le monde a yebi. Et on a remarqué que moi, on a vu sur Aliboso, Azali ko pe sa information, ya ici ka zo kendete. Ako zonga kakaso, on a dit, yo, ozo komana chate pour l'anime. Non, na bosana ki. Alors, na eko remarqué que na tango ya ko tanga, parce que bazala ka na tang pour étudier. Ye, azo vanda na mesa na baninga fo na ko tanga. Ce qui otuni ya koloba non na tanga ki na école ça va na zo zela résultat ya suka résultat pe leka ki bien il a très bien réussi mais comportement na ye ko bima ezali toujours na 2017 bola ndanga bien 2017 après na ye ko zwa information nazola na ba Facebook na ye biloko na nyoso nazomone bisika moko nazo comprendre te ba étudiant moko ba yoyeb sanga prof to moni mwana yo azomela makaya abo na bengi na tunye abino na to bandai ko sala blague na baninga e bana moko baleka ki ba mona ki biso abimo mboka oko iko bomba na te soki ozo mela ekoyeba na motu nyo sa koyeba aibi biso tout le monde aibi biso na iko mona comportement ya mwana za bienti na voyager na kendaki je pense Genève j'ai passé 3 mois na Genève pour na makambo ba réfugié ko luka ba contact ba ambassade ba donateur 3 mois na Genève. Et na zaki na Genève ba ninga ba ndeko na ye bazo komela ngai ke non papa yaya bazo ebisa biso bazo mona na ba groupe a bien te azana voiture azana jeep to sombela ye mais okoyoka non ba mona ki quelque part na Lamborghini ba mona ki quelque part na Ferrari mais ngai to somba Lamborghini te to somba Ferrari te na tango na zongi ba elema wana nyonso ekotinda ke non notre fils azali na groupe ya mabe na bengi yaka na ndako je vais te parler soki omoni ke tellement dingue osa kokola okoy mokolo mais osa nano na 18 ans alors so moni ke okoli yebisangai na kozwila yo ndako mais ko kene ko vanda na batu o na yebite en passant je vous dis que famille nanga mobimba ezala ngamoko ezala mes enfants. Personne azana camarade y africain. Ezana ndenge ya mabete, mais to yebi ba histoire na sina beta li solo wana. Mokote azana camarade y africain. Mokote azana camarade ya congolais. Na bengi mwana aya na ndako. Alobi akoya, azo yati. Na luki na kontakte ba kamarade na ye na Facebook o bazalaka na azana bango. Na bengi bango. Na epsi bango demande a mon fils de venir d'urgence à la maison. No akoya lobi ayete. Deux jours, trois jours, une semaine, azo yati. Na kei na ekol. Je me renseigne, est-ce qu'il y a une classe? L'école, il y a une classe, mais rare. Et ce qui est, il y a une classe, il y a une classe chère. Alors, Namonique, il faut prévenir. J'ai contacté Mbila. Ngaï Moko. Na koyi kolobani, na porté plainte contre moi, Nananga Moko. Suivez-moi, s'il vous plaît. N'a porté plainte contre moi nananga moko. Moi na tango asilisi classe il fallait qu'un des services ya armée. A kotaki. Kotaki ndaki amoni ke ba discrimination ezali ya poso ya nzoto. Ye na baninga na ye parce qu'azala ki ye moko mutu mwindu. Les restes bazali ba coréen de souche. Les restes bango nyo so ba coréen de souche. Discrimination ezali baninga na ye o ba bandai ko mona ke bazo aza victime ya discrimination ba yokani ba kima. Or na mibeko ya mboka Kore. Mwana mobali nyonso il faut sala armé pendant 2 ans, service ya armé pendant 2 ans. Soki o boyi o kokende na prison pendant 2 ans. Yango bo monaka, ba koreyen pe batangunda bazali, me batangunda ba koreyen, ba ki magate pona makamu susu boye, mingi mingi zalaka ba témoin de Jova. Ba témoin de Jova ba kenda ka armé te. Alors, les témoins de Jova koreyen, pona ku evite ko kenda armé, ba ki maka. Ake ko bwa ka ngunda na peyi mususu. Mingi mingi ba kenda ka na États-Unis, ba kenda ka na Canada. Bazali e bele ba témoin de Jova koreyen, ba bwa ka ngunda. Alors, notre fils Akimi, na tango Akimi na baninga na ye wit bakimi. Pona ko bomba na bakei bake ko futela ndako. Na baninga na ye bake ko futela ndako. Bazana misalate. Bakolia ndenge nini. Na tango bayebisinga yi makambo ya group wana keza group malamu te. Bazo bunda. Na kei, na police, na mbila, na fundi ye. Baka angelanga ye. Na tangu mbila azali ko luka mwaye ba kontakte ye, ba kontakte mbila na esika o azalaki, na ville o azalaki, ba bengi nga balobi oui, to kontakte ye, to yebisi ye aya na mbango nyoso, alobi akoya men, nous avons remarqué que na tango yo zo kontakte biso poto luka ye. Ye na baninga na ye, bazali na dossier na mbila. Babunda, na Facebook, pona makambu ya basi, batu ya vile mususu, soki muninga na ye, na baninga na ye, balinga ki basi ya vile mususu, bana ya vile wana, bamoni kendenge nini binobo uti vile mususu, wayako linga basi na vile na biso, bayoka ni bakende ukuta na metro, na station ya metro, bakei na station metro babundi. Na tango babundi, mbila ye akangi bango. Bayoko remarke ke na kati ya batu wana, ba deserter bazali, oyo balukaka. Ifu bosa la service na bino, se la loi. Loko la bokimi boko sala, bako garde bino na prison pendant 2 ans. Mes chers amis, c'est une histoire il y a 2017. une histoire ya 2017 bazo sa la peine na bango kala mingi te fo babima. Mais pourquoi na lobby ya des implications politiques? Ya de cela une semaine na zomona bande comme so bazali awa mais boza la calme na koloba ba kombo na binoti. Je vous dis à tout moment que nazali na ba connexion na bureau ya Félix ba conseiller nazali na ba connexion libanda ya bureau ya Félix ba yoko yebisanga prof même ngamoko ya yi de lettres jusqu'à présent na ba université nyon so na tangisaka na lobaki na live na ngaya de cela une semaine je pense ou bien deux semaines ba conseiller ya Félix qui ont visité la Corée ba contacter ministre affaires étrangères juste ma solo ya mboka ba yaki pona ngaite mais ba profiter nango pour en parler na ministre tala mutu oyo avandi awa epana bino tala ndenge bazo sala biso position tozui pouvoir mais bato oyo ba lingite mboka se développer ya moyen de nous aider nous débarrasser ya bato oyo. Je reconnais mutu ya ministre ya Corée aibisa kingai que ministre a répondaki que mutu oyo atangisa ke pa na biso il contribue na développement ya mboka na biso makamba politique biso pe to sala yango na tango ba japonais ba kotela ki biso to kimaki to komaki ba réfugié biloko ye azo sala azo loba yango pe biso to bandai ko sala basi saki wana te na ifisa bino makambo ya garçon moko banosa na ambassade ya Congo na ya Corée ba université ba yeko soufflenga deux sources que ba conseiller à Félix ba lingi ko luka quelques coréens ba corrompre bango pour que ba salir yo et na ebisa ka bato wana ba yebi ya de se bazali na live oyo na zomona bango na Facebook na zomona pe kombo moko masqué ya conseiller ya Félix azali na ebisa ka bango toujours laissez-les bazali na eloko moko ba salir ngati voilà ba ke ko kweya na une coréenne qui a vécu pendant longtemps na France juste par miracle akutani na milvor moko il faut ba corrompre ye aluka moyen ko salir ngai. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La coréenne est partie retrouver ses dossiers en 2017. Quand cette histoire s'est passée de notre fils ndenge na lobi yango mutu moko ayebaki yango te parce que c'était fini, c'est légal. Moi-même, ngai moko, na benga mbila po na mwana na ngai. Mutu mususu muta benga te, ngai moko na benga mbila. Parce que nazali quand même intègre, na koyiko lingate, mwana a profité na zèle wana ya popularité, ayako bebisa réputation ya famille. Na bengre ke mbila te pour que na faire souffrir ye, mais ezala ke pour que azala yedike, nga na yebeli ye ke azali na service na ye. Nzo kande na service a longwe, a fute landa kuna ba kamarad na ye, na kate ba kamarad na ye, Afrikan moko azate, mupaya mususu azate, tout le monde ba koreyen, bana ba adolescent, ya moins de 18 ans. 18 ans ou bien moins de 18 ans. Alors voilà maintenant que cette Coréenne qui habitait la France a accueilli qu'on retrouvait ces dossiers-là, a accueilli, na yebite, qu'est-ce qui s'est passé na batou ya Félix, ba accueilli qu'on luka un journaliste et journaliste a yeko annonçango na information. Batou oyo ba yebaki likambwana te au courant. Excusez-moi. Au courant. Alors, ce qui botali, parce que batu bele, ba yibi koreyente, ezali depuis hier, avant-hier, Mboka et Kabouani n'a deux partis. Un d'abord, journaliste a eu qu'au présenter cas. A présenté cas à lobby Mwana Azalaki Yemo. Bon, a présenté le cas à Mwana Azalaki Yemoko. A lobby Tala Mwana Oyo. A lobby statut na yete. A lobby Mokanda Azanangote. A lobby Kaka barre figé. Mwana Oyo. A kendaki ko bunda ko beta ba koreyen. A kendaki ko viole ba koreyen. A botoli ba koreyen mbongo. A baraka ba route na voiture na ye. A ken na boulevard. A kangi boulevard. Moutoua le kate. Yango bozo mona ke. Mboke kabane dans le sens ke. Moto eza ma kasi na television wana. Comment expliquer mwana oye ye moko na age na ye wana zalaki nango 18 ans ako yiko zwa voiture ye moko ake yiko bare nzela a botoli batu bambongo a viole basi a beti batu journaliste ati yiko lobate ke ndenge bakende yiko bunda bazalaki un groupe de 8 a lobby eloko wana te Mboke Kabwani ministre ya justice lobby abimaki na télévision te lobby te lelo donc je confonds na Herbino Bozali kuna aleki na télévision a expliqué a lobby un d'abord mwana oyo azalaki ye mokote bazalaki ye na baninga na ye 8 Les huit wana bangonyo so bazali ba koreyen de souche. Bazala ki banamike, to tinda ki bango na tribunal ya banamike, ba sambisi bango e to garda ki bango. C'est une histoire de 2017. Alors, le problème qui est là, ezali ke moi... Les avocats m'ont interdit na lobana onte na télévision ya mboka oyo bazo constituer dossier d'abord pour na comporter plainte na télévision na mibeko ya mboka oyo boko ko lakisa photo ya mutu te présomption d'innocence d'abord ezali bino bo pesi information biaisée c'est comme si azalaki ye moko et maintenant ba tu yangunda ba refugié bazali attaqué na mboka kore. Kobanda avant-hier, bazali attaqué de tout bord. Résumant que ministre ya justice abimi a lobby, le représentant ya HR a lobby et ba journaux plutôt et Kabwani, il y a de ceux qui sont pour Bapaya, il y a de ceux qui sont contre Bapaya. Mais ce qui est bon, ezali que na makambo nyo sosoki bandeko bazali na kore bakoyebisa bino que presque il y a pas de commentaires contre la famille. Bazali koloba oui, azali mwana asala ki mabe, soki azali na baninga na ye, soki ba pesa ki bango punition, c'est normal. Je vous rappelle na bato o bazali na Australie peut-être bazo landangai, eza bandeko msu pe bayebi. Boyoka histoire na 2016 ou 2017 oba bengi ya Sudanese gang les gangs soudanais ezali bana oba uta na ba parents ya ba réfugiés na Soudan bana wana na ba école ba bandai kotanga ba monai ke baza ba victime ya discrimination bana na basala ki nini ba se constituer na groupe ya autodéfense na batona bazo discriminer bango il est arrivé un jour bake kweyana mutu moko ya mukolo soki asalaki bango nini ba betie et Australie nyonso ninganaki ba refugié ba pesi yango kombo les gangs soudanais moi je suis allé dirigeance na Australie parce que l'organisation nazalaki président na kati Australie ezali na kenda ka dirigeance na kenda na parlement ya Australie na Canberra na tamula partout Sydney na Melbourne pour na ko expliquer ba parlementaire il faut ko diminuer tension oyo parce que bana na biso oto zali ko bota so kenda réfugié so ki a salima be ezali considéré dans le cadre de la société ezali ko la bana ya bakolo mboka de souche so ki ba salima be so ki ko pinir bango so ki ko limbisa bango. Mais l'Australie est comme qui c'est un problème maintenant il y a des réfugiés. Et résumant attention on a sur l'Australie et si là et comme qui sur quoi ça la commission ad hoc entre les réfugiés na ba, la police na gouvernement pour résoudre ces problèmes. Mais ba média ba bini ça qui que les gangs soudanais sans pour autant ba évoquer les problèmes réels au Ezalaki. Donc ezali pe ko leka na moment oyo nazali ko loba nazali ko yebisa bino na mboka ya Corée. Je n'accuse pas batu ya Félix. Mais moi je pense que avec les éléments que j'ai eu avant kutu e ya kobima parce que télévision na ye kobima avant-hier mais moi déjà à partir il y a une semaine deux semaines les gens qui sont là ba yebi ba informa kingai nini qu'est-ce qui se prépare et moi-même je sais na ba université sika nazali ba lettre zali kidikidi ba lettre zali te ke ba milovor avant na limeta ka sombi papier na bika komi atindite les conseillers ya président de la république donc chez nous une opposition n'existe jamais et pas na biso zali ki ennemi mais je voulais dire donc na ba ndeko nyonso bozali le banana diaspora c'est une leçon pour vous, soki omoni ke comportement ya bana ezali malamu te, zala na ba element de preuve pour que avise directement ba autorité ya mboka wana. Soit ou avise oyebisi la police, soit oyebisi na ba communauté, pour que un jour si y a un problème, ozala sauve, ozala na problème te. Heureusement, cette culture que nous avons, il y a qu'on documenté et l'occasion se fout documenter. Et on se prépare pour un procès. Et tous ces éléments, et qu'on a la chaud. Et déjà, bah, contact, il y a Mbila Babandi qui a contacté Bissot. Bon, Toyoki, parce qu'il y a des ceux qui condamnent Mbila. Toyoki qui ba parents ya mwana wana ba contacta ki Mbila. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Ba cela qui est le côté. Ba cela qui est le côté. Parce que ceux qui s'ils avaient agi mbele biloko e yete pona bana. Mais voilà média pour ba bimisa yango, bazo bimisa juste moto o azana poso ya mwindo. Bango ba bombi e batu bazali information et pas yabatezali biaisé, c'est comme si azalaki yemoko, il y a des ceux qui disent abi non, ye asali groupe na ye na bandeko na ye bato mwindu. Or ce n'est pas ça. Alors, pourquoi j'ai tenu na yebisa bino ango parce que vous imaginez déjà une récupération milovor. Et boyebi oyo bayebi ngandambo bayebi, mais o bayebi nga ya parti ya mboka Kore. Bayebi ke nazali guerrier moko ko sakana te. Naza guerrier moko ko sakana te. Et déjà au moment où naza ko loba banda lobiti lelo, naza avocate quand même, c'est un problème que il faut luka quand même avocat. Mais j'ai déjà 18 avocats. 18 déjà. Baye ngai ifunazala, ngai ifunazala. Alors, natena ki pona ebisa bino, c'est une leçon pédagogique pona batunyo so bazali na bana di banda, na diaspora. Ezali une leçon pona biso batutozali na résistance que pona biso moi na ebisa ka bana bango nyoso ba yebi. Na ebisa ka bango ke ngai na sina kufa. Un jour si quelque chose s'est passé, juste regret kozala parce que eleki lelo mais bon, ça l'a déjà préparé à viser. tout peut arriver. Parce que chez nous, je croyais que la façon dont on a mené opposition avec Kabila, je croyais que les Alliés n'ont mené une opposition avec Félix, parce que le système de Kabila égale au système de Félix. Hélas, je me suis trompé que, et pas il y a Félix, battu il y a Félix, ce n'est pas une opposition. Les Alliés ennemis, c'est une guerre. Alors, adresse aux Ezalaki pour que ma minangaï va comprendre et de tenir bon. Je n'oblige pas personne. Je peux faire face plutôt à ma milvore nyonso. Na loba yango n'explika. Ngai moko. Na koyiko sa la face na présidence, on a commandé président na bango. Ti na moto a souka fils moko. Na ko sa la face na bango. Alors, mais c'est lui qui veut à la récupération, ma milvore, ce qui va récupérer, mais il n'y a rien à récupérer. Tout est là, documenté. Mais je tenais quand même, boye bayango, pour que Moutoumoko aille qu'on surprenne des binotés avec une fausse information. Donc, ce qui m'a communion, c'est l'équipe, n'a cause à la, n'a eu déjà contact, n'a cause à la télévision nationale, pour que n'a expliqué. Alors, et n'a moni pe moutou ya HR, n'a moni ministère ya justice, ma ebisingaï que ce que l'équipe, moutou moko toko délégué, moutou moko, il y a ministère, il y a justice, pour que Azala Nayo na plateau pour expliquer cette situation. Mais, vous voyez, Bika Kabamboko, Robert na Mboka ya Canada, un docteur, Oyo, Makamogeno, Yemouta Panzi COVID, mais R, Babimissi, Sango, na Media, Balobini, ba réfugié. Et pourtant, il n'est pas réfugié quand même. Il n'est pas réfugié. Mais dans les médias, il y a un lobby qui est réfugié. Réfugié, Moko, a pandi coronavirus. Quand on a vérifié, ce n'était pas ça. Donc, voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Et Nako Kende ça peut être Wana. Naïe d'abord, l'ingratitude à ma Congolais, ça continue. On aide quelqu'un. Immigration, bah, ici, bon, mais quand il y a famille, na yopo, bah, y a ibimi, à Bossani, ngai, mouta contacté pour na aider, il a fait plus de 8 ans. Mouta osali, ça y est, à Zaté, à Tamboula, partout. Mais voilà, immigration, bah, tindire, notification, yako pesa, biloko, nyo, so futa taxe, salaboye, so batike, pour la famille, na yo, il informe tout le monde, sauf moi. Nana zoyo, kango, siko, na bakolo, mboka, wana. Ah oui, dossier, au Kotsaki, on a approuvé ça. Moutounayo, famille naye ko iko kende. 8 ans, moutoussali se azat. Donc, les alliés ingratitude na biso ba Congolais. Soki tozo boya, toussali se te, c'est avec raison. Et puis, j'ai parlé problème y a moi na biso, ce qui se passe et, na niveau des médias. Un dossier y a 2017, na yibite soki batwa Félix, batwa ke la Moussayango. Mais c'est juste ce qu'on appelle la résistance à l'africaine, la résistance à la congolaise. Il faut être prêt dans ma camionnette. Voilà, mes chers amis, merci. Va commenter, Nabino, peut-être dans votre temps, en Sima. Et s'il faut répondre, n'a qu'à répondre, Nango. Mais sinon, peut-être n'a qu'à répondre, Mkolo Moussousou, surtout Sali, live Moussousou. Voilà donc ce que. Oranga Koloba, les autres yé pour na Makambo Toloba d'habitude, c'était juste une information. Et Tokozonga peut-être lobby pour que Tokota, bon mon messano, na lit na biso sur ce qui se passe dans Mboka na biso na Congo. Allez, merci beaucoup et au revoir à tout le monde. Bye bye. Voilà, donc on commence.